Salut, vous êtes à l'écoute de Sous-Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone, qui diffuse tous les semaines à partir de sous-pression-punk.com, qui est enregistré à Ottawa, territoire algonquin non cédé, et qu'on peut aussi écouter à partir en ondes, à partir du CHU 89,1 FM à Ottawa et le CVR 103,5 FM à Yellowknife. Moi, c'est Mathieu, je vais vous faire jouer du Punk Sky Hardcore tout en français cette semaine, et cette semaine, on va commencer l'émission avec... un morceau de Les Ordures Ioniques. On a appris, si vous savez peut-être déjà, on a appris que la semaine passée que Marie, une membre de Les Ordures Ioniques, aussi membre de The Horny Bitches, était en France. Il a subi un accident, a subi une blessure à la tête assez sévère. Il y a eu une levée de fonds pour permettre à sa famille, son copain, d'aller la visiter en France. C'était un grand succès, je pense presque 11 000 $ de recueilli dans comme un jour et demi. Alors, juste commencer l'émission avec un peu des Ordures Ioniques et de Horny Bitches, un peu hommage à elle. Pour aussi lui souhaiter un bon rétablissement, on espère tous qu'elle va bien se rétablir très bien et très vite. Alors, on commence l'émission avec les Ordures Ioniques. De leur plus récent album, le morceau Ma Tribune. Alors voici Les Ordures Ioniques à Sous-Pression. Je ferai jamais la une. Mon ma tribu d'exit, mon métier.

shooters vont passer à la taille supérieure. Salut, on vient d'écouter les ordures ioniques, le morceau Interférence destructive. Avant ça, c'était un autre morceau des ordures ioniques, le morceau A une gorgée de sauver le monde. On écoutait The Horny Bitches avant ça, de la compilation Génération Shérif, volume 2. C'était le morceau Arrête de bitcher. Et on a commencé avec, bien sûr, les ordures ioniques, le morceau Ma tribune. C'était un petit bloc parce que, comme j'ai dit au début de l'émission, on pense tout à Marie, qui est membre des Ordures Ioniques et de The Horny Bitches, qui subit un accident. On lui souhaite un très bon, un prompt rétablissement, très vite et complet. Alors, on continue l'émission avec Sworded Ship, groupe que je vais être bien honnête, que j'ai découvert juste la semaine passée. Alors, je vais faire jouer un morceau de leur plus récent album, le morceau Par les deux bouts. Alors, voici Sworded Ship à sous pression. Sure. Salut à tous, toujours, à l'écoute de Sous Pression. On est rendu à mi-chemin de l'émission, mais je vais faire un retour sur le dernier bloc. Là, on commençait avec du Sordid Ship, le morceau Par les deux bouts. La gâchette après ça, de leur album Quoi qu'il advienne, le morceau La Sentence, du Cartouche après ça, de leur album Bread and Roses. On écoutait le morceau Exil et du Queer qu'on vient d'écouter de leur démo. C'était le morceau Seconde Peau. Alors là, comme j'ai dit tout à l'heure, on est plus ou moins là à la mi-chemin de l'émission. Je vais vous rappeler à ce moment-ci, évidemment, qu'on a une présence sur le site web, souspressionpunk.com, aussi sur Facebook. Faites une recherche pour Sous Pression sur Facebook, vous allez trouver ça. Sinon, c'est facebook.com/sous-pression. Et bien sûr, si vous voulez envoyer un courriel info@commercial-souspressionpunk.com, allez-y fort, envoyez juste de bonjour si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer chier, vous pouvez partager de la musique, n'importe quoi là. Alors là, on va continuer la musique. C'est le moment de l'émission où on fait jouer, on passe dans le bloc sono mondial. On sort de la francophonie, voir ce qui se passe partout dans le monde. Cette semaine, on s'en va en Philadelphie. On va faire jouer le groupe Deep Tissue. Le groupe a un EP de, je pense, 4 ou 5 titres. Je vais faire jouer le morceau Mood, ben le premier puis le dernier morceau. Premier morceau Mood Swing, dernier morceau Deadhead. Et c'est ça, c'est un démo sorti, un EP sorti l'année passée, très bon, côté un peu, je sais pas comment décrire ça, côté un peu, une influence de post-punk, c'est pas vraiment du post-punk, mais il y a une influence de ce style de musique-là là-dedans. Vous allez, vous allez l'entendre, là. Je vais me fermer la gueule, je vais vous laisser l'écouter, voici Deep Tissue à Sous Pression. We'll be right back. C'était Deep Tissue avec Mood Swing et Deadhead. On continue maintenant avec du nouveau de Boulon & Crew, d'un album à venir. On va entendre le morceau Tuskonar. We'll be right back.

Salut, vous êtes bien sûr toujours à l'écoute de Sous Pression, mais l'émission tire à sa fin. Afin de vous laisser avec un dernier morceau, on va faire un retour sur ce qu'on écoutait dans le dernier bloc. On a commencé avec du Boulon et Crew. C'était le morceau Tous Connards. C'était un morceau d'un album à venir. Le groupe est en train de préparer leur premier album. Et si on se fie à ce morceau-là, ça va être un bon album. Alors j'ai hâte de l'entendre au complet. Après ça, du Défaillance de leur album Rouge Carnage, le morceau 15 ans. Esclaves salariés avec Ils ne passeront pas, du Pervers et Truand après ça avec Sophie à l'emballage. Fuck tout après ça avec Je veux te détruire. Enfants sauvages de leur album Crève ton corps, on a écouté le morceau Casse. Et on vient de terminer avec du Asile de leur démo, c'était le morceau Enfants de l'État. Alors on a le temps de vous laisser avec un dernier morceau. Je vous laisse avec du Stigmate. Ça fait un petit bout qu'on a écouté du Stigmate en onde à Sous Pression. Je vais faire jouer un morceau de leur album, c'est leur plus récent album, Sans couleur fixe. Je vais faire jouer le morceau Le roi de Ménilmontant, alors on va s'y lasser avec ça. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Et j'ai bien hâte qu'on se retrouve et de vous représenter, vous présenter de la bonne musique la semaine prochaine. Comme j'essaie de faire toutes les semaines. Alors voici du Stigmate, à Sous Pression, passez une excellente semaine. Invisible avec son chien s'accrochant au malin, ne se soucie jamais de son destin. Son caddie triste mine, un trésor bien caché, juste un peu de famine. L'histoire remplacera la colère d'avoir perdu sans renoncer. Dormir la nuit sur un banc du quartier de Ménilmontant, pendant que tous avancent bien tranquillement. Jalouser les bateaux, les passants et parfois quelques amants, se prendre pour le roi de Ménilmontant. La cloche de proximité, c'est toujours bon pour le quartier, 10, 15 ou 20 ans à y traîner. Il s'est laissé enfermer, jure de ne pas s'évader. Prends pas la route, ça sent la liberté. Les nouveaux locataires qui le sont de plus en plus.